Chapitre 15. Quand la CIA facilitait le marché de la drogue en Californie. La CIA a, depuis ses origines, un long compagnonnage avec le trafic de drogue, comme on l'a vu après la guerre avec la mafia corse et sa French Connection, ou pendant les guerres du Vietnam et d'Afghanistan. Certes, l'agence ne pratique pas elle-même ce trafic, mais à certains moments de son histoire, elle laisse faire ses alliés de circonstances sans se poser la question de savoir qui seront les consommateurs finaux. C'est en 1996 que le débat est porté sur la place publique aux États-Unis. Le journaliste Gary Webb publie en effet dans le San Jose Mercury News une série d'articles intitulée « Dark Alliance », dans laquelle il établit un lien entre le financement par la CIA des Contras nicaraguayens dans les années 1980, voire le chapitre précédent, et l'introduction massive du crack, un dérivé de la cocaïne moins coûteux que l'original, dans les rues de San Francisco. Cette nouvelle drogue serait produite par les Contras et leurs expéditions protégées par la CIA. Le crack ayant surtout fait des ravages parmi les jeunes noirs de San Francisco, le débat public dérive alors sur une supposée manipulation de la CIA pour s'en prendre aux noirs. L'agence est trop heureuse de répondre, à côté de la question première, en affirmant qu'elle n'a jamais voulu ni entrepris de répandre le crack dans la communauté noire. Malgré une réaction globalement hostile de la part des grands journaux américains au moment de sa publication, plusieurs médias ont révisé leur opinion après parution du livre très documenté et précis que Gary Webb a tiré de son enquête. Nous reproduisons ici le témoignage d'une de ses sources principales, Celerino Castillo, qui s'exprime devant la commission parlementaire sur le renseignement en 1998, a été pendant 20 ans un des principaux agents de la Drug Enforcement Agency, agence de lutte contre le trafic de drogue en Amérique latine. Il a été le témoin impuissant des hautes protections fournies aux trafiquants. Gary Webb a poursuivi son enquête jusqu'en 2004, date à laquelle il est décédé à son domicile d'une balle dans la tête, mort non élucidée. Déposition écrite de Celerino Castillo III, agent retraité de la DEA, faite à la Commission permanente sur le renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis, le 27 avril 1998. J'ai passé plusieurs années à me battre en première ligne contre la guerre à la drogue de Reagan, à tenter d'éradiquer ce que je considérais alors comme la menace étrangère la plus importante pesant sur les États-Unis. Mais lorsque j'étais en poste en Amérique du Sud et centrale, entre 1984 et 1991, je savais déjà que nous jouions une comédie. Pendant que le gouvernement criait « Just say no », des nations entières sombraient, devenant ce qu'on appelle maintenant des démocraties cocaïne. Pendant mes années à la DEA, j'ai réussi à tenir des journaux de mes assignations en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ces journaux contiennent des noms, des numéros de dossiers et des informations provenant de NADIS, le système informatique central de la DEA, qui soutiennent mes allégations. Je possède des photos, ainsi que certains passeports de victimes assassinées par des opérateurs de la CIA. Des atrocités qui furent commises avec l'approbation des agences fédérales. Nous autres Américains de la rue ne pouvons pas faire confiance à l'inspecteur général de la CIA pour mener une enquête rigoureuse sur la CIA ou sur la DEA. Je vais vous dire pourquoi. Quand le président Clinton, en juin 1996, a ordonné à la Commission de contrôle du renseignement, Intelligence Oversight Board, ou IOB, d'ouvrir une enquête à propos des rumeurs d'implication d'agents américains dans des atrocités commises au Guatemala, la Commission a négligé d'enquêter sur plusieurs opérations de la CIA et de la DEA dans lesquelles des agents américains avaient su à l'avance que des meurtres, pour certains des meurtres d'Américains, allaient avoir lieu. J'étais tellement en colère que je me suis forcé à riposter au rapport de l'IOB, la commission, en citant précisément numéro de dossier, date, nom des individus assassinés. Dans un cas précis, dossier DEA TG860005, plusieurs individus colombiens et mexicains furent violés, torturés et enfin tués par des opérateurs de la CIA et de la DEA, et ce avec l'aval de la CIA. Parmi les victimes identifiées se trouvait un nommé José Ramón Parra Iniguez, détenteur du passeport mexicain AGUC043, ainsi que ses deux filles, Maria et Laetitia Olivier Dominguez, passeport mexicain AGM8381. Au nombre des morts se trouvaient aussi plusieurs ressortissants mexicains, Adolfo León Morales Arcilia, dit Adolfo Morales Orestes, un nommé Carlos Alberto Ramírez et Jiro Guilardo Ocampo. Un agent de la CIA et un agent de la DEA étaient tous les deux sur les lieux lorsque ces individus furent interrogés, c'est-à-dire torturés. Dans cette affaire, la cible principale était un membre du Congrès du Guatemala, Carlos Ramiro García de Paz, qui avait réceptionné la livraison de 2404 kilos de cocaïne au Guatemala peu de temps avant l'interrogatoire. Ce dossier impliquait directement le gouvernement guatémaltèque dans un trafic de drogue. À ce jour, le membre du Congrès en question est toujours en possession d'un visa pour les États-Unis, où il continue de venir en voyage comme il lui plaît. Versons du sel sur la plaie. En 1989, le Bureau de la responsabilité professionnelle du département de la justice américain a enquêté sur ces meurtres. L'enquêteur spécial Tony Resevuto, du Bureau de la responsabilité professionnelle de la DEA, DEA-OPR, détermina que le G2, c'est-à-dire les renseignements militaires guatémaltèques, était coupable de ces meurtres. De tout l'Occident, c'est le groupe qui commet les pires infractions aux droits de l'homme. Malgré ça, le gouvernement des États-Unis continua à demander à ses agents de travailler main dans la main avec les militaires du Guatemala. Cette information ne fut jamais communiquée à la commission de contrôle, IOB, voire la réponse jointe. J'ai obtenu un courrier en date du 28 mai 1996 émanant de l'administrateur de la DEA, est destiné à Lloyd Doggett, membre démocrate du Congrès des États-Unis pour l'État du Texas. Dans ce courrier, l'administrateur ment éhontément, affirmant que jamais des agents de la DEA n'ont mené des opérations conjointes dans des affaires de drogue aux côtés de militaires du Guatemala. J'y étais. J'étais l'agent de la DEA responsable des opérations au Guatemala. 99,9% des opérations que la DEA menait là-bas étaient des collaborations avec les militaires guatémaltèques. En 1990, la DEA a invité un officier guatémaltèque du G2, le capitaine Fuentes, à suivre les cours sur la drogue organisés par la DEA, ce qui est contraire au règlement de l'organisation. J'en suis absolument certain parce que j'ai travaillé avec cet officier pendant plusieurs années et que j'étais au Guatemala au moment où il se préparait à faire ce voyage scolaire aux États-Unis.